mais en fait, je fais pomper traction, j'ai tri à Végéta. Les pecs à l'Eonita, c'est ta bif, je mets des doigts. Et j'bande et j'bande, et j'fais un gros smiley. Et j'vais tous les rabat si j'vends mon cœur en taille DR. J'ai trop traîné en baba. J't'en fais un million pour papa. Tu testes, on sort le baba. J'comprends pas pourquoi on comprend pas. Je m'entête, je suis dans ma bulle, je suis baisé, je m'embête. Et je comprends pas pourquoi